Blanche, souvenir d'automne, par André Theuriet. Pour la première fois, ce matin, il a gelé blanc. La nuit avait été claire et tout diamanté d'étoiles, et voilà que d'un bain de vapeur émerge un soleil blafard. Aux endroits restés dans l'ombre, la rosée a presque la consistance du givre. Les herbes, les pelouses et les raisins des treilles sont poudrés d'une poussière d'argent mat. Mais à mesure qu'un rayon les atteint, feuilles et fleurs fondent en rosée comme s'ils avaient été trempés par une pluie fine. Un précoce frisson d'hiver court sur la face de la terre, et cette frigide haleine d'arrière-saison, mêlée à des odeurs de vendange, réveille en moi de lointaines impressions d'automne. Longtemps, elles étaient demeurées à l'état de cristallisation au fond de mon cerveau. Ce matin, elles se liquéfient et tombent en gouttes scintillantes, comme cette rosée dissoute qui emperle les plantes du jardin. Je me revois à 20 ans, cheminant à travers champs par une vaporeuse matinée semblable à celle-ci. J'allais chercher dans un village de Seine-et-Oise, où je suis né, l'extrait de mon acte de naissance, nécessaire à la délivrance de ma première inscription de droit. Ayant quitté Paris de bonne heure, j'étais descendu à la station la plus proche de ce village natal, quitté à l'âge de 4 ans, et j'avais encore, pour arriver à M, une lieue à faire par la traverse. Cette traverse, sommairement indiquée à la gare, était pour moi l'inconnu, et par ce temps de brouillard, j'avais grand-peur de me fourvoyer. Devant moi, dans la brume, j'aperçus la silhouette dégingandée d'un individu qui agitait de longues et maigres jambes de faucheux, en maintenant sur son épaule un volumineux paquet enveloppé de lustrine noire. Je le rejoignis et l'interrogeai sur la route à suivre. C'était un garçon tailleur qui rapportait des vêtements neufs à un client et qui se rendait précisément à M. Il connaissait la traverse et me proposa de voyager de compagnie. J'étais si enchanté d'avoir trouvé un guide qu'à mon tour, je lui offris naïvement de le soulager en me chargeant de son paquet pendant un bout de chemin. Il déclina poliment mon offre, moins, je le suppose aujourd'hui, par égard pour mes frêles épaules que par un sentiment de prudente méfiance. Nous marchions côte à côte le long d'un sinueux sentier bordé de vignes et de carrés de légumes. La brume se dissipait peu à peu, et à travers la mince couche de vapeur, on distinguait, çà et là, dans le ciel, des coins d'azur où les alouettes chantaient. Le vignoble, aux rouges pampres humides, était déjà en partie vendangé. Une odeur de grappe mûre montait dans l'air frais. À mesure que nous avancions, la brume éclaircie laissait transparaître des lisières de forêt, des toits bruns et la pointe d'un clocher surgissant d'un fouillis de châtaigniers jaunis. Était-ce ce profil de clocher et ce moutonnement de la forêt prochaine, ou bien l'odeur de vendange mêlée au parfum si caractéristique des feuilles maraissantes? Je ne sais, mais le paysage prenait pour moi un aspect sympathique et familier. Je n'étais pas revenu depuis 16 ans à M, et tout à coup, j'observais aux entours de menus détails locaux que je saluais comme de vieux amis retrouvés. À chaque pas, des réminiscences se levaient au fond de mon cerveau. J'apercevais, comme un lointain ensoleillé, certaines figures et certains sites déjà vus. Je me rappelais surtout une maison de paysan, voisine de la nôtre, où j'avais passé des heures à jouer avec une petite fille de vigneron qui se nommait Blanche. Je revoyais le fin visage de l'enfant, son teint d'un brun mat et ses cheveux noirs. Je me remémorais l'intérieur de la cuisine, où, lorsqu'on enfournait le pain, une savoureuse odeur de galette embaumait le fournil. Je gardais l'impression de la mine contrite de Blanche et l'intonation boudeuse de sa voix, le jour où je lui avais annoncé mon prochain départ. En revanche, il m'était impossible de me retracer la physionomie du vieil ami de notre famille qui m'avait vu naître et chez lequel je me rendais. À l'entrée de la grande rue caillouteuse et rapide, je pris congé de mon compagnon et je me fis indiquer la maison de mon hôte. Je le trouvai qui m'attendait au coin d'un éclair-feu de rami. À peine eus-je décliné mon nom, qu'il m'empoigna dans ses bras, me donna une amicale accolade et, sans transition, m'emporta dans une salle à manger pleine de soleil, où la table dressée offrait à l'œil une perspective gastronomique fort réjouissante. La chaleur de cet accueil, la succulence du déjeuner, la bonne humeur de mon hôte m'eurent vite dégourdi. Les coudes sur la nappe, le dos au feu, tout en dégustant un bourgogne lampant et parfumé, nous évoquions ensemble le temps passé. Mon amphitryon me racontait certains exploits de ma petite enfance, et tandis qu'il parlait, il me semblait que je glissais doucement dans le milieu d'autrefois. Mes souvenirs épars se rassemblaient, reprenaient leur forme, leur couleur précise, et je revivais pour ainsi dire mes premières années. « Et Blanche ?» demandai-je tout à coup. « Qu'est-elle devenue ?»« Ah, tu te rappelles Blanche ?»« Eh bien, mon garçon, elle est devenue une jolie fille. Elle habite toujours la même maison avec son père, et si tu veux, nous irons voir tout à l'heure. » Nous y allâmes en sortant de table. Quand nous fûmes au tiers de la grande rue montante, et sans que mon hôte m'eût rien dit, je m'arrêtai le premier devant la maison, que j'avais brusquement reconnue à sa cour encombrée de tonneaux, à sa barrière vermoulue à claire-bois, et à ses deux antiques corps de logis en équerre. Nous traversâmes la cour étroite, où se répandait une odeur de raisin foulé. Mon compagnon poussa la porte coupée qui donnait accès dans l'unique pièce du rez-de-chaussée, et me présentant un bonhomme petit et râblé, vêtu d'un tricot de laine, qui achevait de déjeuner, il s'écria. « Hé, père Robin, connaissez-vous ce grand garçon-là » Le vigneron se leva, replia son couteau, écarqua ses yeux griffutés, plissa son front. Peu à peu, sa face prudente, aux joues rasées, s'éclaira, et ses lèvres rentrées ébauchèrent un sourire. « Voyons, voyons, » bredouilla-t-il, « laissez-moi bien le regarder. »« Eh, mais ce ne serait-il point par hasard le petit Jacques ?»« Vous y êtes, mon camarade, c'est lui. »« Ah, bon sang, j'avais bien dit que lorsque nous le reverrions, il aurait des moustaches. » Et s'approchant d'un escalier en échelle de meunier, qui communique avec le premier étage, il appela « Blanche, hé Blanche, viens donc, nous avons une visite !»« Une visite ?» répéta d'en haut une voix claire comme argent. Lestement, une svelte jeune fille descendit l'escalier et s'arrêta, hésitante, sur la dernière marche, à la vue de deux étrangers. « Ma fille, » reprit le vigneron, « c'est Jacques, le petit Jacques. Hein, comment le trouves-tu ? » « J'avais bien dit que nous le reverrions avec des moustaches. » Je ne l'écoutais plus, je regardais Blanche, souple et jolie à miracle, dans une robe de mérinos bleu qui modelait merveilleusement ses épaules et sa jeune poitrine. Elle avait toujours son teint mat, ses abondants cheveux noirs. Son fier visage, un peu hâlé, était illuminé par deux grands yeux d'un bleu foncé. Elle s'avança, d'abord un peu intimidée, puis me tendit la main. « Quoi, c'est vous ?» murmura-t-elle avec un accueillant sourire. La glace était rompue. Les questions succédèrent aux étonnements. En ces années, bien des changements s'étaient produits, bien des vides aussi. La mère Robin était morte, puis le frère de Blanche, Armand, l'avait suivie. On s'informa des absents. On réveillait les souvenirs de la petite enfance, qui bourdonnèrent comme un essaim d'abeilles au printemps. Tout à coup, le vigneron s'écria « À propos, Jacques, aimes-tu toujours la galette ?» Et sous ma réponse affirmative, « C'est bon, » ajouta-t-il, « tu viendras demain en manger une toute chaude avec nous. » Je n'eus garde d'y manquer. Le lendemain, au coup de midi, j'étais dans la cuisine, où Blanche, ayant fait un brin de toilette, achevait de dresser le couvert. Nous mangeâmes gaiement tous trois la soupe aux choux, le petit salé, la galette bouillante, en les arrosant d'un joli vin rose du cru. Et de nouveau, on évoqua le temps jadis, on trinqua, puis le vigneron, obligé de surveiller son pressoir, nous laissa, Blanche et moi, en tête à tête. Je la trouvais plus charmante encore que la veille, et avec la fatuité de mes 20 ans, je me persuadais que notre ancienne amitié d'enfance me donnait presque le droit de flirter avec elle. Je lui adressais des compliments qu'elle recevait avec un rire de bon augure. Je devenais sentimental, je lui faisais promettre que notre affection d'autrefois recommencerait avec plus d'intimité, et pour sceller la promesse, je prenais la main de Blanche et je la baisais tendrement. Moitié étonnée, moitié rieuse, elle se prêtait sans pruderie, et même avec un brin de coquetterie, à ce flirt inattendu qu'interrompit le retour du père Robin. Nous nous dîmes au revoir, je les embrassai tous deux, et je partis en m'engageant à revenir à M au printemps. Pendant les mois d'hiver, je repensais bien souvent, bien chaleureusement à cette résurrection de notre amitié d'enfance, à ce roman villageois ébauché au fond de la cuisine du vigneron. L'été arriva, et un beau dimanche, je résolus de tenir ma promesse et de retourner à M. Par une matinée bleue de la Pentecôte, je refis le voyage. Je cheminai de nouveau à travers le sentier bordé de vignobles en fleurs. Je revis le clocher pointu du village surgir au-dessus des châtaigniers. et avec un sourd battement de cœur, j'allais frapper à la porte du vigneron. Ce fut le père Aubin qui vint m'ouvrir. Après les premières effusions, il surprit mon regard fixé sur l'escalier d'où, à l'automne, Blanche m'était apparue dans la grâce de ses 20 ans, et il devina ma pensée. « Tu cherches Blanche ?» dit-il en souriant mélancoliquement. « Ah, ma fille, cette fois tu ne la verras point. Elle est mariée, ne le savais-tu pas? Elle a épousé le fils d'un gros fermier de Maule, et il demeure maintenant dans la famille de son mari. Mariée ? Et voilà le cas qu'elle avait fait de mes déclarations sentimentales. Je me sentais profondément mortifié. Mon nez s'allongeait, mon sourire s'éteignait. L'obscure cuisine me paraissait tout à coup maussadement prosaïque, et je ne souhaitais plus que de m'esquiver pour promener ma triste déconvenue sous les châtaigniers de la forêt. Pourtant, je consentis à boire un verre de vin cuit en compagnie du père Aubin. « À ta santé !» soupira-t-il en hochant la tête. « Ah, ça n'est pas drôle tous les jours ici, et la maison est bien vide. Me voilà seul comme un pauvre orphelin. Il y a des jours où j'ai envie le sort de ma pauvre défunte, et où je souhaite d'aller la rejoindre. » Il ne croyait pas si bien dire, le père Aubin. Quelques années après, on m'apprit qu'il avait rejoint sa défunte au cimetière et que Blanche elle-même était morte en couche. Dernièrement, je suis retourné à M. La maison du bonhomme n'existe plus. Elle a été remplacée par une grande bâtisse en pierre de taille. À cette heure, je suis peut-être le seul à me rappeler le vieux vigneron et cette jolie Blanche aux cheveux noirs, aux yeux bleus foncés. Ils se sont évanouis de la mémoire des gens du pays, comme s'évaporait le brouillard en cette matinée d'automne où je cheminais si allègrement vers le village en compagnie du garçon tailleur aux jambes de faucheux. Ainsi s'achève, Blanche, souvenir d'automne, par André Theuriet.